D. Oui, c'est certain. Votre appareil est ancien. Je vous trouve très sain. J'ai mal au pharynx. Je n'ai pas faim. Mais c'est très simple. C'est plein. Il est très sympa.